Un jour t'es rentré chez toi, sur un tuyau contre un poucard, t'as retrouvé dans tes draps ta femme en train de se faire bouillard. Des fois pour de vrai j'y crois, ils disent qu'un saut t'es une galère, mais sans elle je reste un roi. Qu'elle me quitte ou qu'elle nique sa mère, c'est pas la mafia très stress, ou c'est la mafia tout court. J'ai bien terminé l'ennemi, mais l'ennemi revient toujours. Fais ton bon voyou, s'inscrit on te marmelle, nous ton litre. Mais t'as pas mis sur ma chute, ouais sale pute, les ou ton fils. Je mesure sur le dos de mon père, j'allume, j'éteins, qu'est pas à. Ils ont juré impossible, impossible de pas faire de sang. En un an, j'les monte en l'air. Là mais sincère, l'instru qui tue, j'ai fait tout ça pour la lumière, mais la lumière ne suffit plus. Un jour t'es rentré chez toi, sur un tuyau contre un poucard, t'as retrouvé dans tes draps ta femme en train de se faire bouillard. Des fois pour de vrai j'y crois, ils disent qu'un saut t'es une galère, même sans elle je reste un roi. Qu'elle me quitte ou qu'elle nique sa mère, ils disent qu'un saut t'es une galère, qu'un saut t'es une galère, ils disent qu'un saut t'es une galère. Calibré dans le ciel ou elle déguisé, mais ça sera moi. En bas de chez toi, en Père Noël. Si je gagne à l'euro million, je te rembourserai point à Christa. Je paierai des gens pour les chasser. Je baisse l'hologramme à Dalida. Je garde mes sous pour mes fils, moi. Manquerai plus que je me marie. J'envoie plus de balles chez toi. Tu fusillades à Paris. Appelle tiens, tu préviens qu'à là. Que je récupère mon que cru. Et si l'oseille ne suffit pas, eh bien sache que ton cul non plus. Un jour t'es rentré chez toi, sur un tuyau contre un poucard, t'as retrouvé dans tes draps ta femme en train de se faire bouillard. Des fois pour de vrai j'y crois, ils disent qu'un saut t'es.